titubait. Il boit beaucoup trop, ce serait trop beau si ce n'était que de l'eau. Le voisin d'à côté, il picole et vin de rosé tous les jours en fin de journée. Mais c'est bien trop bête ce qu'il boit en cachette. À quoi pense-t-il le voisin d'à côté? Il paraît débile quand il est habité. Que se passe-t-il dans la famille d'à côté? Quand il va si et que ça crie de tous côtés. Il bricole toute la journée, il azure tous les bois de son palais. De belles couleurs pour un si pauvre cœur. Le voisin d'à côté, il siffle du Hallyday pour oublier sa vie quelque part d'Algérie. Il vit sans racines et se nourrit de la vie. D'à côté, il paraît débile quand il est habité. Que se passe-t-il dans la famille d'à côté? Quand il vacille et que ça crie de tous côtés.